Jacob ramène ses fils autour de son lit. Le temps devient parole et héritage. Chaque nom reçoit une direction, comme une clé pour le voyage. Les fautes passées ressortent encore, les promesses aussi se dressent. Tu montres que la bénédiction n'efface pas l'histoire mais la traverse. Même nos faiblesses entre eux, dans la construction de ton plan. Parle encore sur nos vies, même quand nos mains tremblent. Déclare ce que tu vois en nous, quand nous ne voyons que nos sangs. Parle encore sur nos vies, même au soir de nos saisons. Car ta parole va plus loin que nous et traversera nos maisons. Judas reçoit la promesse royale. Un sceptre ne quittera pas sa main. Le Shiloh viendra dans sa lignée et les peuples se rassembleront demain. La bénédiction devient prophétie, le futur se grave dans les mots, et même la mort devient témoignage.